إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. On a vu dans la leçon précédente que l'imam al-Barbahari rahimahullah avait dit que وَعَلَمَ أَنَّ النَّاسَ لَمْ يَبْتَدِعُوا بِدْعَةً قَطٌ حَتَّى تَرَكُوا مِنَ السُّنَّةِ مِثْلَهَا. On avait expliqué, lorsqu'il a dit « Sache que les gens n'innovent pas une innovation sans qu'ils délaissent en cela en même temps une sunna. » Et ensuite il a mentionné « فَحْذَرِ الْمُحَرَّمَاتِ مِنَ الْأُمُورِ الْمُحَرَّمَاتِ مِنَ الْأُمُورِ » De mettre en garde contre les choses mauvaises et interdites. فَإِنَّ كُلَّ مُعْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَالضَّلَالَةُ وَأَهْلُهَا فِي النَّارِ. Donc on avait vu que une personne ou bien elle est à la sunna ou bien elle est à la bid'a. يعني on peut pas, ça n'existe pas un mubtadi' sunni. Là, le muslim هو المسلم ويكون على السنة ويكون على السنة. Un musulman ou bien il est à la sunna, à la manhaji sahih, ou bien il est mubtadi', c'est un innovateur, ou bien c'est un ami, il fait partie des gens de la masse. Il fait partie des gens de la masse. Il n'est peut-être pas informé que cette chose-là c'est une bid'a, ou que cette chose-là il ne faut pas y croire, ou que cette chose-là il ne faut pas la faire ou la dire, etc. etc. Mais ce qui est voulu dire ici, est-ce que ça veut dire qu'un musulman il est ou bien sunni salafi ou bien les mubtadi'? Non. Il y a des gens parmi la communauté musulmane, c'est l'awam, font partie de la masse, c'est les gens de la masse qui ne connaissent pas certains sujets. Ce qui est voulu dire, ce qui a voulu être dit ici par l'imam al-Barbahari rahimahullah, comme le mentionnait l'ulama, c'est que quelqu'un, il ne peut pas dire qu'il est à la sunna tout en étant dans la bid'a. Et que les deux ne peuvent pas être ensemble. Comme le tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, ne peut pas être mélangée avec shirk. L'une, elle annule l'autre. Comme la bid'a ici. Il dit qu'un peuple ne peut pas innover tout le temps. Lorsqu'il innove, forcément il abandonne une sunna. C'est ou l'un ou l'autre. C'est pour cela que on ne peut pas dire que quelqu'un, sur quelqu'un, comme on veut le faire croire aujourd'hui, que Fulan, aqidatuhu salafiyya wa manhajuhu ikhwani. ومنهجه تكفيري ومنهجه تبليغي إلى آخره. C'est impossible. Parce que l'aqida c'est le tawhid. C'est l'imanu billahi azza wa jal. L'imanu bimalaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. L'imanu bimalaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Alayhim salat wa salam. Wa bil yawm al-akhir. Wa bil qadari. C'est l'aqida. Or cette aqidah, aqidah tout tawhid, la ilaha illallah, il n'y a qu'un seul chemin qui y mène. Ce chemin, c'est rien d'autre que Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. C'est pour ça que l'ulama disent, al-mubtadi', il a forcément un manquement dans le tawhid. Il a forcément un manquement dans l'aqidah. Parce qu'il pense qu'il peut atteindre la ilaha illallah sans passer par Muhammad Rasulullah. Ça, c'est impossible. Comme dit Cheikh Al-Albani, rahimallah, ça, c'est quelqu'un qui veut yajma' bayna al-haqq wal-batil. Comme si quelqu'un voulait réunir le vrai avec le faux. Comment est-ce qu'il peut atteindre la ilaha illallah sans passer par Muhammad Rasulullah? Comme il l'a expliqué Cheikh Ibn al-Uthaymeen, rahimallah, dans son charh, Riyad al-Salihin, l'innovateur, il est un empêchement d'accéder au tawhid. Il est un empêchement d'accéder à la aqidah, à la croyance sahiha, authentique. Il est un empêchement aux musulmans. Et on avait vu que toute innovation, quelle qu'elle soit, même si quelqu'un vient après le prophète alayhi salat wa salam, il dit qu'il y a al-bid'atul hasana, la bonne bid'a ou des bid'a qui sont autorisées, qui sont permises. Et parfois, tu vas parler avec quelqu'un, il va te dire, mais il y a du bien dans ça. Il te dira par exemple, jama'at al-tablir, indoum al-khir, ils ont du bien. Ikram al-muslimin, ils accueillent bien les musulmans, ils vont faire da'wah, ils partent, ils font des sacrifices, ils apprennent le Qur'an, ils vont dans la rue voir les gens. نعم هذه الموازنات ça c'est la règle de الموازنات ce qu'ils ont de bien à la base ils l'ont pris de la sunna sinon ce serait pas un bien comme ils ont dit salaf رحمهم الله تعالى الخير كله في الاتباع tout le bien il est dans le suivi يعني اتباع السنة dans le bien de la sunna. Donc ce qu'ils ont de bien, ça ne nous regarde pas. Ce qu'ils ont de bien, à la base, ils l'ont pris dans la sunna. Sinon, ce ne serait pas un bien. Ce qui est intéressant de voir, c'est le mal qui en découle. Le mal dans l'aqida, le mal dans le manhaj. Certains disent avec cette shubha, cette ambiguïté, parfois l'insan ne répond pas, ou il ne peut pas répondre. Où il dira, par la cause de Jama'at Tablir, beaucoup de gens sont rentrés dans l'islam. Des gens, ils étaient dans les péchés, aujourd'hui ils sont musulmans. Des gens, ils étaient chrétiens, aujourd'hui ils sont musulmans. Des jeunes, ils étaient dans Zina, ou dans d'autres grands péchés. Nasallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, ils font la prière, ils jeûnent le mois de Ramadan, ils viennent à la mosquée, ils apprennent le Coran, et autres, et autres. Seulement, contrairement aux gens de la Sunna, que ce soit Jama'at Tablir ou d'autres, ils ont sorti les gens d'un feu éternel pour le feu de la bid'a. Puisqu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kullu bid'atin dalala, fa inna kulla mu'adathatin bid'a, wa kulla bid'atin dalala, wa kulla dalalatin finnar. Donc ils ont sorti, oui, du feu de la mécréance. Ils sont la cause, si tu veux. Ils les ont sortis du feu de la mécréance. Il était kafir, aujourd'hui il est musulman. Seulement il est avec le mubtadi'a. Il n'est pas dans un islam authentique. Comme l'a dit l'imam Barbahari, l'islam huwa sunna, wa sunna hiya l'islam. Donc il les a sortis d'un feu éternel, le feu de la mécréance, pour le feu de la bid'a. Alors que Ahl-Sunna, da'wat al-tawhid, La da'wa salafia, elle sort les gens d'un feu éternel comme d'un feu moindre, le feu de la bid'ah. Elle est là la différence. C'est bien de sortir les gens de l'enfer, c'est-à-dire de les faire sortir de la cause qui ramène en enfer éternel, comme la mécréance ou le shirk akbar. Mais vous les avez ramenés sur quoi après? Ils sont venus à la mosquée et après? Aïna al-tawhid. Bien sûr qu'ils diront que les sahaba ils sont partis loin, ils ont fait da'wa. Premièrement, rien ne vous dit que ce sont les tombes des compagnons. Il n'y a aucune sûreté là-dessus. Deuxièmement, comme vous l'avez dit, les sahaba sont des savants. Ce sont des savants qui appellent au tawhid, qui appellent à la sunna. Donc cela est incomparable. وقال المؤلف رحمه الله تعالى واحذر صغار المحدثات من الأمور فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا. Prévient et avertit contre les petites nouveautés. Les petites nouveautés dans la religion d'Allah, bien sûr. Car ces petites innovations deviendront grandes. Ces petites innovations deviendront grandes. وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة. Et ainsi, toute innovation qui a été innovée, qui a été ramenée dans cette communauté, كان أولها صغيرا يشبه الحق. Au début, elle était petite. A été petite et au point qu'on l'a comparée même à la vérité. Cette petite bid'a, on l'a comparée à la vérité, on la prenait pour étant une vérité. فَاخْتَارْ بِذَلِكَ مَنْ دَخَلَ فِيهَا ثُمَّ لَمْ يَسْتَطِيعْ الْخُرُوجَ مِنْهَا. Et ainsi petit à petit, ce qui était petit ou insignifiant est rentré dans le cœur de la personne. شُبْهَا, hein, la petite ambiguïté. Est rentrée dans le cœur de la personne et elle a commencé à mûrir, à mûrir, à mûrir jusqu'à ce qu'il ne peut plus en sortir. فَعَظُمَتْ وَصَارَتْ دِينًا يُدَانُ بِهَا. Et elle est devenue tellement grande qu'il en a fait sa religion. Elle est devenue tellement grande qu'il en a fait quoi? Sa propre religion. Elle est devenue sa croyance, elle est devenue son manhaj. Elle est devenue ses actions, elle est devenue sa manière de penser. فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. Et ainsi il a contredit le droit chemin et il est sorti de l'islam. في تفصيل, on va expliquer inshallah. قوله واحذر صغار المحدثات من الأمور. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ici l'imam Barbahari, rahimallah, lorsqu'il a dit « Préviens contre les petites nouveautés ». Yaqul, « La tatasahal bi shay'in min al-bid'a, walau kana saghiran, fa innahu yakbur, wa yandafu ilayhi ghayruhu, wa hadha min mafasid al-bid'a, li'annahu idha aftataha babu al-bid'a, zadat. » فلا يتساهل فيها ويقال هذه بدعة صغيرة ولا تضر والبدعة مثل الجمرة ولو كانت صغيرة فهي تكبر حتى تحرك البيت. Il a dit quoi ici, Cheikh Al-Fawzan, حفظه الله تعالى. يعني ne néglige pas quelque chose de l'innovation, même si c'est une petite chose, ne la néglige pas, parce qu'elle va grandir. Elle va grandir, grandir, grandir, grandir. C'est ça le le mal de la bid'a, c'est que tu ne la vois pas venir. Elle rentre en toi, elle rentre sous forme de shubha, sous forme de doute. Tu as parlé avec quelqu'un qui t'a dit une chose, ou tu as écouté quelqu'un qui a dit une chose, ou bien tout simplement tu étais tout seul en train de lire ton livre et tu as commencé à penser d'une certaine manière. Hada min ash-shaytan. Et cette chose-là, elle est rentrée fil qalb, dans le cœur, sans que tu t'en rendes compte. Sans que tu t'en rendes compte. C'est ça le mal de la bid'a, c'est qu'on ne la voit pas venir. Comme ce récit qu'on a rappelé de l'Aouza'i, rahimallah, hein, lorsqu'il a rappelé ce athar, que Iblis, il disait à ses soldats, le fils d'Adam, il me ramène à la perte. Je le pousse vers les péchés, mais avec le tawhid et l'istighfar, il se débarrasse de ses péchés. Hein, il demande pardon. Et avec le tawhid, il efface ses péchés. Alors ils lui ont dit, tu comptes faire quoi maintenant? Il a dit, j'ai trouvé une autre chose sur laquelle je vais les avoir. Et ils ne demanderont pas pardon. Et il a dit quoi? Al-bidah, wal-hawa. L'innovation, les innovations et la passion. Comme ils ont dit salaf, al-hawa, laysa lahu dawa. La passion, elle n'a pas de guérison. C'est très dur de ramener quelqu'un vers la vérité quand il suit sa passion. Comme on a expliqué dans les cours d'avant, lorsque sa passion est devenue une religion. Hein? C'est très dur. Donc on ne va pas dire comme les gens disent, c'est rien, c'est une petite bid'a. C'est pas méchant. C'est vrai, c'est une bid'a, mais halish, c'est pas grave. Elle ne va pas affecter la personne. C'est pour ça que Shir, il l'a comparé à un petit feu. Ce petit feu, cette petite flamme, mais si elle touche le sol ou elle touche quelque chose de la maison, elle te brûle toute la maison, Harry. À la base, s'il n'y avait pas cette petite flamme, la maison n'aurait pas brûlé. Et du tout, une petite flamme que tu as négligée, elle a brûlé toute ta maison, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Puisqu'on sait très bien que le feu, il représente le maut, la mort. Il n'y a plus rien quand le feu y passe. Il n'y a plus de vie derrière. C'est pour ça que Iblis, il a mentionné, et c'est là qu'il s'est trompé dans le Qiyas, lorsqu'il a dit, je suis meilleur que Adam. Tu l'as créé de terre, j'ai été créé de feu. Là, il s'est forcément trompé. Lequel éteint l'autre? C'est la terre qui éteint le feu. Deuxièmement, le feu, c'est la mort. Le feu, c'est la mort, c'est la souffrance. Et, hein, quand un feu il passe dans une maison, il passe sur un champ, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Alors que la terre, ça représente la vie. La végétation qui pousse, les arbres, les fruits et autres. Ainsi, cette bid'a est comparable à un petit feu que tu as laissé et que tu as négligé. Et tu t'aperçois à la fin qu'en vérité, toute ta maison a brûlé. Mais ça, tu ne l'as pas vu venir. Tu as négligé. Ce n'est pas pour rien si le Nabi alayhi salat wa salam, il a demandé d'éteindre les feux des maisons avant de dormir. Pourquoi? De peur que durant la nuit, cette flamme soit touchée par quelque chose, ou la bougie elle tombe ou autre, et que cela vient brûler toute la maison et les gens qui sont dedans. Sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que le Nabi alayhi salat wa salam a dit dans le hadith, Iyakum wa mu'dathat al-umur, Iyakum tahdhiru min al-mu'dathat al-bidah mutlaqan. سواء كانت محدثة صغيرة أو محدثة كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم a bien dit إياكم ومحدثات الأمور. Prenez garde. إياكم تحذير. Il prévient ici. C'est bien la preuve qu'il est permis de prévenir dans la religion d'Allah. Lui-même il a prévenu عليه الصلاة والسلام. Comme Allah a prévenu dans le Coran. Ce n'est pas nouveau. Aujourd'hui les gens ils s'étonnent que l'on prévienne. Allah Azza wa Jalla n'a pas prévenu dans le Coran. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prévenu. As-Sahaba, ils n'ont pas prévenu. As-salaf dans leurs livres, ils n'ont pas prévenu contre des gens? En quoi ce serait nouveau? En quoi ce serait nouveau? Ce n'est pas nouveau, mais ça dérange. Ça dérange parce qu'on attaque une personne dont toi tu as des sentiments envers elle. Et si tu ne reconnais pas la vérité, parce qu'on a attaqué telle personne, quand on dit attaquer c'est un grand mot, on va dire qu'on a corrigé telle personne, même si lui le prend pour une attaque, c'est pas grave. Et que tu ne reconnais pas cette vérité, c'est que ton amour pour cette personne-là a dépassé l'amour d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et qu'il n'y a plus en toi le wala et le bara, l'aveu et les désaveux pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Al-hubbu wal-burdu fillah. Tu dois aimer pour Allah et tu dois détester pour Allah. Et le fait qu'une personne a fait des erreurs et qu'on la corrige, et que tu n'acceptes pas cela parce que tu aimes cette personne-là, alors pose-toi des questions sur ton amour envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Est-ce que finalement tu aimes vraiment pour Allah ou pas? Ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, prenez garde, iyyakum tahdhiru min al-muhdathat al-bid'ah mutlaqan. Ici, il dit, shir, que c'est un avertissement envers les nouveautés et les innovations mutlaqan, absolu. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Toute la bid'ah, quelle qu'elle soit, petite, grande, quelle qu'elle soit, elle est à rejeter. Et on ne peut l'accepter. El menhaj, ce n'est pas une chose que l'on négocie. El aqida, ce n'est pas une chose qu'on négocie. El aqida, c'est comme ça et c'est pas autrement. El menhaj, c'est comme ça et c'est pas autrement. Là où tu pourrais discuter, c'est masail fiqhiyya. On peut discuter. Est-ce que je remets les mains là après être monté au recours ou pas? On peut discuter là-dessus. Mais le manhaj, c'est le manhaj. Il a des règles, c'est une tariqa, c'est une voie. Et ça, ça ne se négocie pas. La ilaha illallah, Muhammad al-Rasulullah, tu ne peux pas négocier là-dessus. C'est à toi de te plier à ces deux choses-là. Donc, qu'elle soit grande ou petite, cette nouveauté ou cette innovation, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait d'exception, jusqu'à ce qu'il ait dit « Shar al-umur muhdathatuha » et la pire des choses, ce sont ces nouveautés. Et lorsqu'il a dit l'imam al-Barbahari, rahimahullah, « Wa kadhalika kullu bid'atin uhdithat fi hadhihi al-umma kanat awwal wa saghiran » et toute innovation qui a été ramenée dans cette communauté, au début elle était petite, jusqu'à ce qu'elle soit confondue avec la vérité, et jusqu'à ce que l'insan y rentre dedans et il ne peut plus en sortir. Al-fitan, awwal ma hadathat fi al-umma bi sabab at-tasahul ma ahli al-ifsad hatta athu fi al-ard fasadan. Pourquoi c'est devenu un grand mal dans la umma? C'est parce qu'elle a été négligée dès le début. Parce qu'elle a été négligée dès le début. C'est que des gens l'ont vu mais n'ont rien dit. C'est comme si quelqu'un il verrait une partie de la maison brûlée, il ne dit rien. Il ne dit rien pourquoi? Pour ne pas effrayer les gens. On ne va pas les mettre en panique. Alors pour ne pas les effrayer, laisse, c'est rien, ça, on va l'éteindre, ça va se calmer. Malheureusement, la maison a brûlé entièrement. Et avec les gens qui s'y trouvent dedans. Pourquoi? Parce qu'on ne dit rien dès le début. Cette bid'a qui était toute petite est devenue quelque chose d'énorme. Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, il a vu des gens à la mosquée en train de faire du dhikr d'une manière qui n'est pas convenable. Il est parti chercher Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud est venu, il lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu viennes, j'ai vu quelque chose qui n'est pas convenable. Quand il est arrivé, il leur a dit quoi? Uddu sayyatikum. Allez-y, comptez vos péchés. Ils sont en train de faire du dhikr d'une manière qui n'est pas convenable. Ces gens-là, plus tard, ils disent Abu Musa al-Ash'ari, parce que la personne a dit à Abdullah ibn Mas'ud, ils n'ont fait rien de mal, c'est du dhikr. Vous êtes en train d'ouvrir une porte qui mène à un grand égarement. Une porte de quoi? Al-Adhkar, font du dhikr. Il y a un problème dans le kaifi, il y a comment ils font ce dhikr? C'est là, il est là le problème. Le dhikr en lui-même, il est légiféré. Il a dit, on veut faire que du bien. Il a dit, combien de gens veulent le bien, mais ne l'atteindront jamais. Jusqu'à ce qu'il ait dit après, ce sont les mêmes qui vont nous combattre plus tard avec le Khawarij, qui nous ont combattu plus tard avec Al-Khawarij, qui ont combattu le Sahaba. Ils ont commencé avec quoi? Avec une petite chose. Et regarde ce qu'elle est devenue, jusqu'à porter la larme et l'épée sur les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Ainsi, on voit le danger de l'innovation lorsqu'elle n'est pas maîtrisée dès le début et qu'elle n'est pas, qu'on n'avertit pas les gens dès le début. Et ainsi, il vaut mieux fermer la porte immédiatement à cela. Et ainsi, la communauté sera sauvegardée de cela. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a bien mentionné « Fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa al-rashidin mahdin min ba'di » Soyez sur ma sunna et la sunna des califes bien guidés après moi. C'est le remède. Reste sur ce qu'était as-salaf. Reste sur ce qu'était le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ne rentre pas dans autre chose. Ne pense pas que tu as les moyens de te débrouiller tout seul. Ne pense pas que tu vas ramener quelque chose de nouveau. Ne pense pas que tu vas ramener une nouvelle da'wa. Ne pense pas que tu vas expliquer la salafia d'une manière autre que as-salaf ils l'ont expliqué ou que les ulama ils l'ont expliqué. Tu vas rien ramener de nouveau, akhi. Chacun reste à sa place. Et chacun il suit ses pieux prédécesseurs. Et il suit l'ulama. Ainsi, al-fitan, le mal, la fitna, elle touche tout le monde. Elle peut toucher le petit comme le grand. تأتي على العلماء وعلى غيرهم وتأتي على جميع الناس. Elle peut toucher les savants comme autres que les savants. Alors si elle peut toucher les savants, qu'est-ce qu'il en est de nous? Elle peut toucher comme elle peut toucher tout le monde. Le fitna, c'est le fitna, le trouble. Ils ne peuvent pas se débarrasser de cette chose-là. Et même si la personne elle-même peut se débarrasser de cette chose-là, parce qu'elle a l'ilm pour ne pas tomber dans la bid'a et dans la shubha, l'ambiguïté, il ne peut peut-être pas l'empêcher pour ses enfants et son épouse. Même si toi, tu as réussi à te protéger de ça, est-ce que tu pourras protéger les autres de ça? Voilà pourquoi il est important d'apprendre à sa famille al-tawhid, al-aqidah as-sahiha, afin que eux aussi, lorsque tu n'es pas là, hein, lorsqu'il n'y a plus cette sentinelle, qu'ils ne restent pas comme ça, sans abri, sans défense, sans rien, qu'eux aussi puissent se défendre contre toutes ces ambiguïtés qui circulent dans le cœur des musulmans. ولما كان السلف ainsi les pieux prédécesseurs في القرون المفضلة محاصرين للبدع ولا يسمعون بشيء منها ils étaient yani, ils prévenaient contre la bid'a et ils étaient virulents là-dessus. السلف ne plaisantait pas avec l'innovation aussi petite soit-elle. Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, son fils Bilal lui a dit, si je pouvais interdire aux femmes d'aller à la mosquée, je l'aurais interdit. Il lui dit, subhanallah, le messager d'Allah il dit, n'interdisez pas vos femmes d'aller à la mosquée, et toi tu nous dis ça? On dit qu'il ne lui a plus parlé jusqu'à sa mort. Pourquoi? Yukhalif al-sunnah. Un autre sahabi, le prophète Zahim, il avait interdit de lancer la pierre avec entre les deux doigts comme ça, parce que tu peux blesser la personne. Il y a un sahabi où il a vu la personne faire ça. Il la connaissait très très bien. Et il lui a dit, le prophète Samy nous avait interdit cette chose-là. Et la personne n'a pas tenu compte de ça. Il l'a laissé. Pourquoi? La manière de lancer quoi? Une chose, un caillou ou autre. Pourquoi il l'a laissé? Tarak al-hadith. Il a délaissé le hadith. À l'époque de Harun al-Rashid, rahimallahu ta'ala, qui était connu pour être sur la sunna, qui était un émir, dans une assise, un homme racontait l'histoire entre Adam et Moussa, alayhi salatu wassalam. Cette fameuse histoire qu'il y a eu entre cette discussion qu'il y a eu entre Adam et Moussa. Moussa lui a dit, tu nous as fait sortir du paradis. Et Adam lui a dit, pourquoi tu me reproches une chose qui a été écrite 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre? Et en plus, il s'est repenti. Il ne savait pas que cela allait, allait faire sortir la communauté du paradis. Vous pouvez revenir au hadith pour la suite de la conversation entre eux. Entre eux, ces deux prophètes, alayhi salat wa salam. Il y a un homme qui s'est levé, il a dit, « Kem bayna Moussa wa Adam ?» En gros, c'est comme s'il disait, « Comment Adam, il a pu parler avec Moussa, il y a combien entre eux deux ?» De générations entre eux deux. Haroun al-Rashid qui était présent, il lui a dit, « Comment tu peux poser la question, kayf, hein? Alors qu'un homme vient te réciter un hadith du prophète, alayhi salat wa salam. » Yani, comment tu peux, comment tu oses rejeter hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Parce que toi, tu ne comprends pas que Moussa, il ait pu parler à Adam. Yani, ta raison, tu l'as fait devancer devant le hadith. Ta raison, t'as fait délaisser le hadith. Ça, c'est un mal. Il s'est énervé pour cela. Jamais chez Salaf. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a hadith qui vient, ils acceptent le hadith. Devant Kalam al-Rasoul, il n'y a rien qui tient. Devant Kalam Allah Azza wa Jal, il n'y a rien qui tient. Ils n'ont pas commencé à réfléchir à une autre chose, ou à ceci, ou à cela, ou autre. Ainsi, les salaf, ils étaient durs là-dessus. Et Allah subhanahu wa ta'ala takaffala bihifzi hadha ad-din fad-din mahfoudun walillahi alhamd walakin al-halak yakunu ala ahli ad-din humu alladhina yahlakuna. Et ça, c'est important. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préservé sa religion. Donc sa religion, avec ou sans toi, elle restera, elle sera là, et elle ne sera pas touchée. Parce qu'Allah Azza wa Jalla la protège. Il protège l'aqida. Il protège le manhaj. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il choisit des hommes pour ça. Min ahli sunnah. Comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les 100 ans, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait revivre sa sunnah par un homme. Min al-ulama. Min ahli sunnah. Et non pas min ahlil bidah, puisque le but, c'est de faire revivre la sunna. Or la bidah, elle vient éteindre la sunna, elle vient faire disparaître la sunna. Quand on dit al mujaddid, hein, les ulama disent parfois sur Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab al mujaddid. Quand on dit al mujaddid, il faut bien comprendre le sens, comme on le verra dans Shahr Sunna. Est-ce que ça signifie le mujaddid, il a ramené quelque chose de nouveau? Non, il a fait revivre la sunna. C'est ça le ma'na le mujaddid. Et ils viennent toujours avec cette choubha. Ah, vous voyez, mujaddid. Mujaddid, ça veut dire jadid, il a ramené quelque chose de nouveau. Non, ça c'est vous qui dites ça. On n'a jamais dit que mujaddid, ça voulait dire ramener quelque chose de nouveau. De nouveau pour les gens de son époque. Parce qu'ils ne connaissent pas la sunna, mais pour celui qui connaît la sunna, ce n'est pas nouveau. Il est là le mujaddid, il revivifie la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala à une époque où difficile, comme l'a fait Cheikh Mohammed Abd al-Wahhab, l'imam Ahmed ibn Hanbal, Cheikh Al-Islam Taymiyyah. Ils ont défendu l'aqida, ils ont défendu le manhaj. Wahta fi hadha zaman, Cheikh Rabi' al-Madkhali, Cheikh Mughbil, Cheikh Al-Albani. Ça, c'est des ulama qui ont défendu sunna. Est-ce que ça veut dire que les autres ne défendent pas sunna? Non. Il ne faut pas tomber dans un autre piège. Quelquefois, tu vas trouver des gens qui te disent « Cheikh Rabi' qawi fil manhaj »« Wal Albani qawi fil hadith »« Wa Cheikh Ibn al-Uthaymeen »« Wa qawi fil fiqh » et autres, et autres, et autres. Comme ils disent, les ulama, attention à ce genre de paroles. Parce que cette parole-là, elle est utilisée par le Hizbiyyin. Ce n'est pas comme quelqu'un qui est à la sunna qui va te dire « Naam, Cheikh Al-Albani, wallah, fait le hadith. » C'est une montagne, akhi. n'y a pas de problème quand c'est quelqu'un de la sunna. Mais certains utilisaient ce genre de paroles pour dire quoi ? Pour dire quoi ? Il est da'if l'aqida. Cheikh l'Albani est qawi fil hadith. Pour dire quoi ? Qu'il est da'if fil fiqh. Attention à ce genre de paroles. Comme dit Cheikh Rabir, ce genre de paroles en vérité n'est là que pour insulter les ulama. Parce que si tu dis ce genre de paroles, ça veut dire que c'est plus des ulama. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un alim qui est fort que dans ça ? Non. Ça vous sous-entend que l'Uthaymin ne connaît pas le manhaj ? Que Cheikh Ben Baz ne connaît pas le manhaj ? Il n'y a que Cheikh Rabir qui connaît le manhaj ? C'est ça ce qu'ils veulent nous faire croire. C'est ça qu'ils arrivent. Quand ils arrivent avec ce genre de paroles, c'est ça l'idée à mettre dans le cœur des jeunes. C'est ça qu'ils veulent. Pour nous, tous les ulama de sunna, c'est des ulama. Ulama, ulama. Et on ne divise pas entre les ulama. Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Rabi', Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, Washir. Ulama sunna. Aqidatuhum, aqidatu salafiyya. وَمَنْهَجُهُمْ مَنْهَجُ السَّلَفِي. Ils ont tous la même aqida, ils ont tous le même manhaj. C'est pas un manhaj différent. Et c'est pas une aqida différente. Il suffit de les écouter et de lire leurs livres pour voir qu'ils disent tous la même chose. Mais il faut faire attention à ce piège-là. Quelquefois on te ramène des choses comme ça, à première vue ça a l'air correct, mais ça cache quelque chose. Comme ils ont dit les salaf, le diable, il ouvre 99 portes de bien pour te faire tomber dans une porte du mal. Hein? Comme Shaitan, vous connaissez le hadith, un shayatin qui monte les uns sur les autres jusqu'au premier ciel. Et dès qu'il entend un khabar, une information, il redescend tout de suite avec. Il va voir son devin ou son sorcier. Mais qu'est-ce qu'il fait entre-temps ? Qu'est-ce qu'il a dit Nabi Salim entre-temps ? Il rajoute 99 mensonges. 99 mensonges. Pourquoi ? Une vérité. Pour une vérité. Et ainsi, lorsque le devin va dire une vérité à la personne, il ouvre la porte avec ça. Hein, quand la personne, elle vient, Allah al-Musta'an, certains de nos familles, parfois ils y vont, tu les trouves à Barbès ou autre, charlatans. Ils n'ont même pas de travail. C'est toi qui leur donnes du travail en allant les voir. S'ils étaient capables de quelque chose, ils n'auraient pas besoin de toi. Tu vas le voir et il te dit, toi, il y a 2 jours, tu étais à tel endroit. Et tu as fait telle chose et tu as dit telle chose. Et la personne, subhanallah. Ya'lamu al-ghayb, connaît l'invisible celui-là. Toi, c'est vrai que tu as des problèmes en ce moment avec Zawja, mais t'inquiète pas, ça va se régler. Subhanallah, comment il sait ? Shaitan, qui a réussi à avoir un khabar, une information et qui lui a ramené. Et tout le reste, ce ne sera que du mensonge et de la duperie. Jusqu'à ce qu'il tombe. Allah al-Musta'an, fi shirk billahi azza wa jal. Car un diable ne peut travailler pour toi que si tu commets un shirk. Donc la religion d'Allah, elle est protégée. Mais qui n'est pas protégé ? C'est toi et moi. Nous, on n'est pas à l'abri de l'erreur. L'erreur, elle n'atteindra pas la religion d'Allah. Parce que la religion d'Allah, Allah azza wa jal, l'a toujours protégée. Mais nous, on n'est pas à l'erreur. Nous, on peut aller à notre perte. Et que tu sois là ou que tu ne sois pas là, que tu appelles à cette religion ou que tu n'y appelles pas, que tu appelles à ce manhaj ou que tu n'y appelles pas, Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin de cette religion. C'est toi qui as besoin de cette religion. C'est toi qui as besoin de revenir à la aqida sahiha, de revenir au tawhid. C'est toi qui as besoin de revenir à la manhaj salaf. Parce que ce manhaj, cette religion, ils seront toujours là. حَتَّ تَقُمُ السَّاعَةِ. L'islam, c'est l'islam. Que tu sois là ou que tu ne sois pas là, l'islam, il est protégé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Puisque c'est une religion parfaite et complète, venant d'une révélation de la part d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a mentionné au Coran, وَإِن تَتَوَّلَهُ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَيَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. Si vous vous détournez, Allah Azza wa Jal vous remplacera par un autre peuple, par un peuple autre que vous, si vous vous détournez. Et ce peuple-là ne sera pas semblable à vous. Yani, vous ne voulez pas de cette religion, vous ne voulez pas de cette aqidah, vous ne voulez pas de ce manhaj, Allah Azza wa Jal vous remplacera. وقال الله تبارك وتعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم ويحبونه. Et certes Allah va vous remplacer par un peuple qu'Allah aime et que ce peuple-là aimera Allah subhanahu wa ta'ala. Donc même si tu cours à ta perte, cette religion elle restera avec ou sans toi. Donc ainsi Allah Azza wa Jal, on voit bien ici qu'il ne va pas remplacer sa religion parce que ce peuple-là n'a pas voulu suivre ou parce que les gens ne veulent pas suivre. C'est pas sa religion qu'il remplace. Allah Azza wa Jal remplace les gens. Subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que din c'est din. Ça ne bouge pas. L'aqida wal manhaj ils sont là et ça ne bouge pas. Tu veux Alhamdulillah Rabbil Alameen. Tu ne veux pas, sache qu'Allah Azza wa Jal te remplacera. Comme il l'a toujours fait Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, comme il a dit l'imam al-Barbahari, fa'adhumat wa sarat dinan yudanu biha. Yani al-bid'ah, l'innovation, comme il a été mentionné dans sa parole dans le chapitre avant, ما أحدث الناس بدعة إلا رفع مثلها من السنة. Il n'y a pas un peuple, un des gens qui ramène une bid'a sans que leur ait enlevé de son semblable une sunna. حتى تصير البدع هي الدين فترفع السنن وتصير البدع هي الدين عند هذا المجتمع. Ainsi, l'innovation devient chez la personne une religion. Et c'est ce que tu vois aujourd'hui. Tous ces groupes, ces sectes qui sont dans l'innovation, cette innovation est devenue la base de leur religion. Ils en ont fait une religion. Ils croient en cela. يَتَّقِدُونَ بِالْعَقِيدَ. C'est l'aqidah. C'est devenu leur manière de penser. Al-fikr. C'est devenu leur manière d'agir. C'est devenu leur manière de parler. Ils sont imprégnés de cela. Pourquoi? Parce que cette petite bid'a qui au début était une shubha, il l'a laissée dans le cœur. Il l'a laissée jusqu'à ce qu'elle devienne une aqida. Et un manhaj. Et là, tu ne peux plus le rattraper. Tu ne peux plus le rattraper. Pourquoi? Ça y est, c'est trop ancré en lui. Il en vit, c'est devenu son din, sa religion. Et Allah tabaraka wa ta'ala, à force d'avoir amené le bid'a, wal bid'a, wal bid'a, à chaque fois, Allah azza wa jalla lui a enlevé quoi? As-sunnah. Tu ramènes le bid'a, il te sera enlevé une sunnah. Tu ramènes une autre bid'a, il te sera enlevé encore une sunnah. Jusqu'à ce qu'à la fin, il reste quoi? Que le bid'a. Ou le bid'a, elle ramène à quoi en finalité? A shirk billahi azza wa jal. Ainsi, il est enlevé, les sunnans sont enlevés de la personne ou de ce groupe jusqu'à ce qu'elle devienne, jusqu'à ce qu'on ne trouve chez lui que les bid'a qui deviennent quoi? Al bid'a, les innovations qui deviennent sa religion. وليس معنى ذلك أن كل الأمة كذلك. Mais attention, il faut bien expliquer. Cela ne veut pas dire que toute la communauté est comme ça. لكن المجتمع الذي يسمع للبدع. Mais il s'agit des gens qui ont laissé en eux grandir cette bid'a, cette innovation. Et jusqu'à ce qu'elle devienne une religion pour eux. Et cela ne veut pas dire, comme on l'a vu précédemment, que la religion est diminuée. Non. Car Allah Azzawajal a fait en sorte qu'il y a toujours un groupe dans sa umma qui détiendra la vérité jusqu'à ce que l'heure arrive. Hatta taqum as-sa'a. Certains, ils ont dit jusqu'à ce que l'heure elle arrive, jusqu'à ce que leur heure à eux, elle arrive, à ces gens de la sunna. Le din ne disparaîtra jamais, que tu le veuilles ou non. La sunna sera toujours là, que tu le veuilles ou non. Le tawhid sera toujours là, que tu le veuilles ou non. Ce manhaj a subi les mille et une attaques. Est-ce que c'est nouveau? Depuis Sahaba, il subit des attaques. Et jusqu'à aujourd'hui, ce manhaj est encore là. Pourquoi? Parce que c'est l'islam, c'est sunna. L'islam, il a été attaqué durant des siècles et des siècles et des siècles. Et il est toujours là. Et il ne change pas. L'islam authentique, il est toujours là. Le tawhid, il est là. La sunna, elle est là. Et ça, Allah Azza wa Jal a fait comme cause qu'il y ait l'ulama depuis Sahaba jusqu'à nos jours. Qu'il y a toujours des gens de science qui préservent cette aqida, qui préservent ce manhaj. Même si les gens veulent se défouler. Mais en fin de compte, ils ne touchent en rien à cette religion. Car cette religion est protégée d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Cette religion est protégée d'Allah. Tu n'y peux rien. C'est la créature qui lutte contre son créateur. وجاء في الحديث أنه في آخر الزمان تتخذ السنن بدعا والبدع سنانا. Comme il a rapporté dans le hadith que vers la fin des temps, la sunna sera prise comme une bid'a et la bid'a sera prise comme une sunna. Ça montre bien qu'on est plus vers la fin des temps qu'autre chose. Parce que c'est ce que tu vois aujourd'hui. Quand quelqu'un il parle de tawhid, on lui dit quoi? Les gens ils n'ont pas besoin de ça. C'est bon, tawhid, les gens ils ont compris. Ah, ils ont compris. Subhanallah. Da'watul anbiya wa rusul. Et tu oses dire, ça y est, c'est bon, ils ont compris, on passe à autre chose. 13 ans de da'wah sur tawhid, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Ou l'autre version du tawhid, عندهم, عند الحزبيين. Votre tawhid, al-rububiyya, wal-uluhiyya, wal-asma, wal-sifat, c'est un tawhid académique. C'est à cause de ça que les shabab, ils apprennent plus leur religion, ils apprennent plus l'aqidah. Vous les avez éloignés, vous leur donnez des formules. النصوص والأحكام كما قال محمد سرور التكفيري السرورية il a dit les textes, les livres de salaf et les livres de savants aujourd'hui ne sont plus d'actualité, ils ne sont pas adaptés à notre époque. Les livres d'Aqida, ils ne sont pas adaptés à notre époque, et à cause de vous les jeunes n'apprennent plus l'Aqida parce que c'est un tawhid académique. Il n'y a pas de tarbiyah, il n'y a pas d'éducation. Barakallahu fik. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a éduqué les sahaba avec quoi? Avec quoi? Avant même de parler des comportements. Les comportements, les arabes, ils les avaient déjà à cette époque. Ils avaient des bons comportements déjà à cette époque. Malgré ça, il a appelé avec tawhid. C'est la première chose avec laquelle il est venu, comme tous ses prédécesseurs. Et vous allez changer de da'wah? Vous allez venir à quelque chose de nouveau? Vous voulez réunir les musulmans sur une chose qu'Allah Azza wa Jal n'a jamais réuni les musulmans. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tu ne peux pas unir le musulman que sur ça. Parce que ça, c'est la parole que chaque musulman, il dit. C'est la parole que chaque converti a dit pour entrer dans l'islam. C'est la parole que chaque musulman doit dire avant de mourir. C'est la parole sans laquelle tu n'entres pas au paradis. La ilaha illallah. Kalimatu tawhid. Sans cette parole, ta prière, elle ne vaut rien. Sans cette parole, le jeûne ne vaut rien. Sans cette parole, ta zakat, elle ne vaut rien. Sans cette parole, ton pèlerinage, il ne vaut rien. Sans cette parole, tout le bien que tu fais envers tes parents, ça ne vaut rien. Et tu veux qu'on parle d'autre chose? On va parler de quoi? Qil wa qal? C'est pour entendre toutes les bêtises qu'on entend à droite à gauche? Et le plus sur Internet? Il faut revenir à Kutub, Kutub Salaf, Kutub l'ulama. Là, tu vas apprendre. Plus tu vas apprendre Tawhid, plus tu vas comprendre comment tu es ignorant envers Allah, tabaraka wa ta'ala. Ma'rifatullahi azza wa jal. ثم قال فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام يعني أن صاحب البدعة يتجار به الأمر حتى يكون دينه كله بدعا كله بدعا ويخرج من الإسلام إذا لم يبقى في دينه شيء من السنن. Quand il a dit ainsi, il vient contredire le droit chemin jusqu'à ce qu'il sorte de l'islam. Puis il sort de l'islam. C'est-à-dire que l'innovateur, celui qui est dans l'innovation, il est tellement pris par l'innovation que toute sa religion est devenue une innovation. Et qu'il en sorte de l'islam. Dans quel sens ? C'est-à-dire qu'il ne reste de sa religion plus rien de la sunna. Il n'y a plus rien. Il a tellement innové qu'il n'y a plus rien de la sunna. Sa bid'a l'a ramené à quoi ? Au shirk ou bien au kufr al-akbar. Au shirk al-akbar. Quand tu dis à quelqu'un, fais attention, yahi. Fais attention de parler quand tu parles avec un tel et un tel. Fais attention, ne t'assois pas dans tel endroit ou tel endroit. Fais attention, ne lis pas tel livre. Fais attention et fais attention. Ne marche pas avec un tel. Fais attention et fais attention. Ce sera une question de temps. Après. S'il écoute, alhamdoulilah, il s'est sauvegardé. S'il n'écoute pas, tu verras avec le temps. Tu verras avec le temps. Des gens, ils sont dans le kufr l'an. Cher Mourbil, rahimahullah, ils lui ont dit un jour, des frères sont sortis de la salafia. Des salafis sont sortis de la salafia, Yachir. Il a dit, ils ne sont jamais rentrés dans la salafia. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ce sont des gens, en vérité, qui n'ont jamais connu la salafia. Même si tout porte à croire qu'ils l'ont connu, même si tout porte à croire qu'il est à la sunna, en vérité, il est toujours rentré avec quelque chose qu'il avait fait le qalb. Il s'en est jamais débarrassé de cette chose-là. Hein, ce petit feu qui est au fond et qu'on a négligé, mais qui a été nourri au fur et à mesure, en restant dans les mauvaises assises, en restant avec les mauvaises personnes, qui ne s'est pas mis à l'abri. At-tasfiya wa tarbiya, comme il a dit l'Albani, rahmallah. Hein, il faut tout enlever, purifier le cœur, pour ensuite l'éduquer. Enlever toute forme de shirk, enlever toute forme de bid'a. Et ainsi tu peux remplacer par tawhid wa sunnah. Mais quand quelqu'un il a ce cœur malade d'entrée de jeu, dès le début. Je trouve sahaba quand ils sont partis en Abyssinie. Ils sont partis en Abyssinie, ils sont arrivés devant Héraclius. Puis Quraysh est arrivé. Abu Sofyan, il lui a dit, rapproche-toi. Donc il y avait son groupe et il s'est avancé devant Héraclius. Abu Sofyan, il a dit à ce moment-là, qu'est-ce que j'aurais voulu mentir ? Mais je ne peux pas. Pourquoi ? Parce que chez les gens de Quraysh, c'est une honte de mentir. T'as pas d'honneur. T'es pas un homme d'honneur quand c'est comme ça. C'est inimaginable pour eux de mentir. Ils avaient cette chose-là. Cette fierté. Il lui a dit quoi, Héraclius ? Il lui a dit, il faut savoir qu'Héraclius, il était savant dans l'Injil. Dans tout ce qu'il a, l'évangile, tout ça. Il était savant là-dessus. C'est un chrétien. Il a dit, lorsque les gens, ils adhèrent à la religion de Mohammed, est-ce qu'ils la lâchent ? Il lui dit non. Lorsqu'ils viennent à lui, ils rentrent dans sa religion, ils ne la lâchent pas. Il a dit, c'est ça la foi. Lorsqu'elle rentre, elle ne ressort plus. Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahmallah, dans l'explication de ce hadith, il dit, al-Iman, la foi authentique, si vraiment elle rentre dans le cœur, elle ne ressort plus jamais. Quant au verset Kafartum ba'da imanikum, en ce qui concerne les hypocrites, Wallah, il dit, vous avez mécru après avoir cru. Il dit, il faut bien expliquer ça. Il dit, la foi en vérité, elle n'est pas rentrée, elle a frôlé le cœur. Elle est passée tout proche du cœur. mais elle n'est jamais rentrée. Elle n'est jamais rentrée. Et ça, c'est pour montrer que, pour revenir à la parole de Cheikh Mouqbil, ils ne sont jamais rentrés. C'est comme Cheikh Ben Baz, lorsqu'on lui a dit, on lui a parlé d'un tel qui a ramené des paroles très très graves. Cheikh Ben Baz, il a répondu, je ne peux pas le sortir de l'islam, il n'est même pas rentré dans l'islam. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, il est rentré dans l'islam avec le marxisme, le communisme. Le communisme, c'est le kufr. Le communisme ne reconnaît pas l'islam. Les deux ne vont pas ensemble. C'est le kufr, akbar, ou l'iman. L'iman, elle ne peut pas aller avec le kufr. Donc ça, est-ce que l'iman est vraiment rentré? Est-ce que la sunna, le manhaj, il est vraiment rentré? Ou bien tu es rentré avec des choses, et un jour ou l'autre, tu as trouvé, tu as croisé quelqu'un, ou tu t'es assis avec quelqu'un qui malheureusement a les mêmes ambiguïtés que toi, mais vous êtes nourris l'un à l'autre avec ça, et vous êtes repartis ensemble. Et ça, chez Salaf, ça n'existe pas. Lorsque Salaf, ils disent de délaisser Kutub al-Mubtadi'a, certains diront oui, comme ils ont dit à Cheikh Abdallah al-Bukhari, Hafidhahullah, fil Medina. Cheikh, moi, quelquefois, je lis des livres de Mubtadi'a, il y a des fawaïd, al-Miyya. Cheikh répond, tu as lu tous les livres de Sunna? Est-ce que tu as lu tous les livres de Al-Sunna? Tout ce qui existe, hein? Pour commencer à aller chercher chez le Mubtadi'a? Là, pourquoi chez Al-Sunna on ne trouve pas ce qu'ils font le Mubtadi'a? C'est le manhaj, le manhaj. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ceux qui enregistrent, ils éteignent l'enregistrement. Barakallahu fikoum.